Chapitre 43e. Nouvelle direction. Brahim Boucharif raccompagnait du tilleul en respectant scrupuleusement les règles du permis de conduire. Naturellement, la chose était un brin provocante, mais du tilleul laissa Brahim s'amuser un peu à ses dépens. Il y avait eu des moments bien plus tendus dans le passé, et du tilleul ne pouvait que sincèrement se réjouir de la tournure que prenait l'existence de Brahim. La fougasse et les navettes furent achetées en route. Ainsi, du tilleul ne subirait-il pas les foudres de Mado? Les adieux furent chaleureux. Brahim invita du tilleul à revenir et celui-ci ne dit pas non. Non seulement le train était à l'heure, mais encore le compartiment de première classe était quasiment vide, ce qui n'avait rien de surprenant en pleine semaine. À la réflexion, du tilleul était heureux car il n'avait pas eu le sentiment d'avoir perdu sa journée. L'entretien avec Brahim Boucharif s'était révélé riche en enseignements. Et surtout, cette Hocine rentrée soudainement en Algérie l'intéressait bigrement. Du tilleul avait bien entendu parler de ce pseudo-jumeau, mais jusqu'à présent il ne lui avait porté aucune attention particulière, et il avait maintenant le sentiment curieux d'avoir raté quelque chose. Pour l'instant, c'était encore très confus, mais une alarme s'était bel et bien allumée dans son esprit au cours de la conversation. Bien sûr, il n'aimait guère cette nouvelle direction de recherche. Mais d'un autre côté, il se remémora le contenu du box et surtout le serment qu'il avait fait. Nulle jeune fille ne méritait le sort qu'avait connu Marion Chardy. Il repensa au rapport circonstancié rédigé par Gravard. Elle avait agonisé des heures avant de trépasser. Du tilleul devait surmonter ses répugnances. Tout cela sentait mauvais, voire pire encore, mais il devait absolument descendre dans la fosse à Purin. Il passa le reste du voyage à élaborer une stratégie, à tenter d'ordonner ses idées. La piste n'était sans doute pas la bonne, mais elle méritait d'être vérifiée. Il devrait également relire attentivement le rapport de Gravard. Il s'en voulait presque de ne pas l'avoir pris avec lui. Ensuite, il ferait aussi le point avec Castex. Une fois de plus, il regretta que Jean-Baptiste Girardin fût en stage, car c'était exactement le genre de travail dans lequel celui-ci excellait. Il repassa au bureau en fin de journée. Comme il ne pouvait pas voir Mado avant 20 heures, il décida d'étudier le courrier du jour. La pile habituelle l'attendait, composée pour les 3/4 de rapports administratifs à qui il jetterait un vague coup d'œil, se doutant par avance du contenu. Économie, toujours faire des économies. Toutefois, un mot manuscrit de Patricia attira bientôt toute son attention. Francine Cartier a appelé tout à l'heure. Elle est parvenue à convaincre Lotte Kepring de venir vous voir. Elle devrait passer dans quelques jours. Castex étant rentré chez lui, du tilleul choisit de ne pas s'éterniser. Il avait d'autant plus envie de Mado qu'il s'était mégardé d'approcher les morues du vieux port. Mado l'accueillit, comme souvent, en peignoir, les cheveux encore humides. Elle paraissait fatiguée mais heureuse, contente de l'œuvre accomplie. Du tilleul sortit la fougasse et les navettes. Il n'avait pas très faim, mais c'était toujours un plaisir de regarder manger Mado. Les navettes lui plurent particulièrement. Elle prépara une salade, puis se mit en devoir de masser son tilleul. « Tu devrais aller plus souvent à Marseille. Tu n'es pas trop tendu. À moins, bien sûr, que tu ne te sois offert une séance de galipette aux herbes de Provence. Mado. Quoi? Tu m'as obéi? Tu as dédaigné le menu local? Pas tout à fait. En fait, j'ai déjeuné dans un restaurant des plus acceptables, sauf qu'il n'offrait pas de chambre à l'étage. Tu l'as regretté? Non, puisque tu m'avais bien recommandé de garder les yeux dans mes poches. Tu as vu la mer? Du tilleul adorait ce genre de questions naïves de Mado. Oui, je l'ai vue. Comment était-elle? D'un beau bleu très marin. Elle devait être de bonne humeur. Dis, tu as quand même maté quelques morues, Mado. Oui, je suis incorrigible. Je n'ai pas eu le temps, je ne souhaitais pas rater le train. Tu aurais pu prendre le suivant. Tu oublies juste une toute petite chose. J'aime le bel ouvrage. Pas les petits coups à la va-vite entre deux portes. Je te gâte trop, tu t'embourgeoises. Sans doute, mais je n'ai aucune raison objective de changer de crèmerie. Mado était heureuse. Le tilleul qu'elle aimait tant était de retour. Le rendez-vous de Marseille avait dû se révéler fructueux, et c'était bien. Elle sentait qu'il avait une forte envie d'elle, mais elle savait se faire désirer comme personne. Elle adorait le provoquer, l'entendre soupirer de ses bêtises. Au moins, dans ces moments-là, le sentait-elle vivant et non distant, le regard plombé de gris, incapable d'exprimer ce qui le minait. Elle avait beaucoup flippé la nuit précédente. Aussi jugeait-elle nécessaire de vérifier que tout était à nouveau bien en place. Heureusement, elle savait qu'elle pouvait compter sur la discrétion d'Henri Castex. Il ne la trahirait pas. Cependant, elle ne regrettait pas un instant de l'avoir appelé, car elle savait combien son tilleul pouvait être vulnérable. Il était trop ravagé de l'intérieur pour qu'il n'en soit pas ainsi. Elle ne s'était jamais abaissée à demander les détails. Au fond, elle n'avait pas eu besoin, elle savait. Les grands brûlés du cœur, elle les détectait à 100 kilomètres. Et ce genre de blessure n'était jamais simple à réparer, surtout quand celle-ci saignait toujours. Dutilleul arriva très tôt au commissariat, car il souhaitait partager ses réflexions avec Henri Castex, mais une fois dans son bureau, une grande enveloppe attira immédiatement son attention. Les techniciens, en identité criminelle, avaient bien travaillé. Dutilleul se munit d'un coupe-papier et ouvrit très soigneusement l'enveloppe. Les résultats étaient exactement à la hauteur de ses attentes. Il y avait bien 2 sets d'empreintes sur la télé. L'autre personne n'avait pas pensé à porter les gants, à moins qu'il n'ait pas voulu donner l'alerte. Gravard avait sans doute négligé ce détail. Mais hélas, cela n'aurait sans doute pas changé grand-chose. Les résultats des analyses révélaient 2 choses. Premièrement, que Maître Vérel avait eu la bonne intuition. Deuxièmement, que Malik Boucharif n'était qu'un imbécile qui avait indirectement provoqué la mort de Marion Chardy. À présent, il était quasiment sûr de son fait. L'existence tenait parfois, voire souvent, à bien peu de choses. Marion Chardy, il le savait à présent, avait été victime de circonstances malheureuses. Restait maintenant à le démontrer. La chose pouvait être longue, mais Dutilleul n'en avait cure. Il remplirait la mission qu'il s'était assignée. Henri Castex parut heureux de le voir. « Toi, tu es sur une piste, » lui dit-il en guise d'accueil. « Tu as tout du chien de chasse à l'affût, » raconte. « Ce n'est qu'une intuition qui mérite d'être vérifiée, mais je pense avoir effectivement identifié le client. Gibier connu ? Non. Au moins, on ne pourra pas nous accuser d'avoir laissé passer quelque chose. Tant mieux. Cela m'évitera une engueulade du ministère. Alors, de quoi il retourne ? C'est encore flou, mais je suis comme toi. Je ne crois guère aux coïncidences. De plus, il faut toujours se défier des faits établis ou prétendus comme tels, car cela évite bien des surprises. Tu as enfin accepté d'aller voir du côté des Boucharif ? Oui, j'ai fini par m'y résoudre, d'autant que le conseil n'était pas mauvais. Tu vois ? Alors c'était bien par là qu'il fallait chercher ? Oui et non, c'est plus compliqué. Ça l'est toujours. Besoin de renfort ? Dutilleul eut un regard triste. « Sans doute pas, hélas. Tu ne veux pas dire « Non, il est bien en vie, mais l'appréhender relève à mon sens du miracle. »« Ah bon, pourquoi ?»« Si le client est celui auquel je pense, il a mis un pays entre lui et nous. »« Pas grave, Titi, on va au bout, d'accord ? On avisera après. »